En famille, tome 2, chapitre 22. Très occupée par ses divers travaux qui lui prenaient toutes ses soirées, elle resta plus d'une semaine sans aller voir Rosalie. Et comme, par une de leurs camarades au canetière qui logeait chez Mère Françoise, elle eut de ses nouvelles, et d'autre part, comme elle craignait d'être sue par la terrible tante Zénobie, elle laissa les jours s'ajouter aux jours. Mais à la fin, un soir, elle se décida à ne pas rentrer tout de suite chez elle, où d'ailleurs elle n'avait pas à faire son dîner, composé d'un poisson froid, pris et cuit la veille. Justement, Rosalie était seule dans la cour, assise sous un pommier. En apercevant Perrine, elle vint à la barrière d'un air à moitié fâché et à moitié content. « Je croyais que vous vouliez ne plus venir. » « J'ai été occupée. »« À quoi donc ?» Perrine ne pouvait pas ne pas répondre. Elle montra ses espadrilles, puis elle raconta comment elle avait confectionné sa chemise. « Vous ne pouviez pas emprunter des ciseaux aux gens de votre maison ?» dit Rosalie étonnée. « Il n'y a pas de gens qui puissent me prêter des ciseaux dans ma maison. »« Tout le monde a des ciseaux. » Perrine se demanda si elle devait continuer à garder le secret sur son installation, mais pensant qu'elle ne pourrait le faire que par des réticences qui fâcheraient Rosalie, elle se décida à parler. « Personne ne demeure dans ma maison, » dit-elle en souriant. « Pas possible. C'est pourtant vrai, et voilà pourquoi, ne pouvant pas non plus me procurer une casserole pour me faire de la soupe et une cuillère pour la manger, j'ai dû les fabriquer, et je vous assure que pour la cuillère, ça a été plus difficile que pour les espadrilles. Vous voulez rire ? Mais non, je vous assure. » Et sans rien dissimuler, elle raconta son installation dans l'aumuche, ainsi que ses travaux pour fabriquer ses ustensiles, ses chasses aux œufs, ses pêches dans l'entaille, ses cuisines dans la carrière. À chaque instant, Rosalie poussait des exclamations de joie, comme si elle entendait une histoire tout à fait extraordinaire. « Ce que vous devez vous amuser ? » s'écria-t-elle quand Perrine expliqua comment elle avait fait sa première soupe à l'oseille. « Quand ça réussit, oui, mais quand ça ne marche pas ? » J'ai travaillé 3 jours pour ma cuillère. Je ne pouvais pas arriver à creuser la palette. J'ai gâché 2 morceaux de fer blanc. Il ne m'en restait plus qu'un seul. Pensez à ce que je me suis donné de coups de caillou sur les doigts. Je pense à votre soupe. C'est vrai qu'elle était bonne. Je vous crois. Pour moi qui n'en mange jamais et ne mange non plus rien de chaud. Moi j'en mange tous les jours, mais ce n'est pas la même chose. Est-ce drôle qu'il y ait de l'oseille dans les prairies, et des carottes et des salsifis ? Et aussi du cresson, de la ciboulette, des mâches, des panais, des navets, des réponses, des bêtes, et bien d'autres plantes bonnes à manger. Il faut savoir, mon père m'avait appris à les reconnaître. Rosalie garda le silence un moment, d'un air réfléchi, et à la fin elle se décida. « Voulez-vous que j'aille vous voir ? Avec plaisir, si vous me promettez de ne dire à personne où je demeure. Je vous le promets. Alors, quand voulez-vous venir ? J'irai dimanche chez une de mes tantes à Saint-Pipois. En revenant dans l'après-midi, je peux m'arrêter. » À son tour, Perrine eut un moment d'hésitation, puis d'un air affable. « Faites mieux, dînez avec moi. » En vraie paysanne qu'elle était, Rosalie s'enferma dans des réponses cérémonieuses, sans dire ni oui ni non, mais il était facile de voir qu'elle avait une envie très vive d'accepter. Perrine insista. « Je vous assure que vous me feriez plaisir, je suis si isolée. » « C'est tout de même vrai. Alors, c'est entendu, mais apportez votre cuillère, car je n'aurai ni le temps ni le fer blanc pour en fabriquer une seconde. J'apporterai aussi mon pain, n'est-ce pas ? Je veux bien. Je vous attendrai dans la carrière. Vous me trouverez occupée à ma cuisine. » Perrine était sincère en disant qu'elle aurait plaisir à recevoir Rosalie, et à l'avance elle s'en fit fête. Une invitée à traiter, un menu à composer, ses provisions à trouver, quelle affaire ! Et son importance devint quelque chose de sensible pour elle-même. Qui lui eût dit quelques jours plus tôt qu'elle pourrait donner à dîner à une amie ? Ce qu'il y avait de grave, c'était la chasse et la pêche, car si elle ne dénichait pas des œufs et ne pêchait pas du poisson, ce dîner serait réduit à une soupe à l'oseille, ce qui serait vraiment par trop maigre. Dès le vendredi, elle employa sa soirée à parcourir les entailles voisines, où elle eut la chance de découvrir un nid de poules d'eau. Il est vrai que les œufs des poules d'eau sont plus petits que ceux des sarcelles, mais elle n'avait pas le droit d'être trop difficile. D'ailleurs, sa pêche fut meilleure. Elle eut l'adresse de prendre, avec sa ligne amorcée d'un verre rouge, une jolie perche qui devait suffire à son appétit et à celui de Rosalie. Elle voulut cependant avoir en plus un dessert. et ce fut un groseillier à maquereau poussé sous un têtard de saule qui le lui fournit. Peut-être les groseilles n'étaient-elles pas parfaitement mûres, mais c'est une des qualités de ce fruit de pouvoir se manger vert. Quand à la fin de l'après-midi du dimanche, Rosalie arriva dans la carrière, elle trouva Perrine assise devant son feu sur lequel la soupe bouillait. « Je vous ai attendu pour mêler le jaune d'œuf à la soupe, » dit Perrine. « Vous n'aurez qu'à tourner avec votre bonne main pendant que je verserai doucement le bouillon. Le pain est taillé. » Bien que Rosalie eût fait toilette pour ce dîner, elle ne craignit pas de se prêter à ce travail qui était un jeu et des plus amusants pour elle encore. Bientôt la soupe fut achevée et il n'y eut plus qu'à la porter dans l'île, ce que fit Perrine. Pour recevoir sa camarade qui tenait encore sa main en écharpe, elle avait rétabli la planche servant de pont. « Moi, c'est à la perche que j'entresors, » dit-elle. « Mais cela n'eût pas été commode pour vous à cause de votre main. » La porte de l'aumuche ouverte, Rosalie ayant aperçu, dressée dans les quatre coins des gerbes de fleurs variées, l'une de massette, l'autre de butome rosé, celle-ci d'iris jaune, celle-là d'aconite aux clochettes bleues, et à terre le couvert mis, poussa une exclamation qui paya Perrine de ses peines. « Oh, que c'est joli !» Sur un lit de fougères fraîches, deux grandes feuilles de patience se faisaient vis-à-vis, en guise d'assiette, et sur une feuille de berce beaucoup plus grande, comme il convient pour un plat, la perche était dressée entourée de cresson. C'était une feuille aussi, mais plus petite, qui servait de salière, comme c'en était une autre qui remplaçait le compotier pour les groseilles à maquereau. Entre chaque plat était piquée une fleur de nénuphar qui, sur cette fraîche verdure, jetait sa blancheur éblouissante. « Si vous voulez vous asseoir, » dit Perrine en lui tendant la main. Quand elles eurent pris place en face l'une de l'autre, le dîner commença. « Comme j'aurais été fâchée de n'être pas venue, » dit Rosalie, parlant la bouche pleine, « c'est si joli et si bon. »« Pourquoi donc ne seriez-vous pas venue ?»« Parce qu'on voulait m'envoyer à Piquigny pour Monsieur Bendit qui est malade. »« Qu'est-ce qu'il a, Monsieur Bendit ?»« La fièvre typhoïde. Il est très malade, à preuve que depuis hier il ne sait pas ce qu'il dit et ne reconnaît plus personne. C'est pour cela qu'hier, justement, j'ai été pour venir vous chercher. » « Moi, et pour quoi faire ?»« C'est une idée que j'ai eue. » »« Si je peux quelque chose pour Monsieur Bendit, je suis prête. Il a été bon pour moi. Mais que peut une pauvre fille ? Je ne comprends pas. » »« Donnez-moi encore un peu de poisson avec du cresson, et je vais vous l'expliquer. Vous savez que Monsieur Bendit est l'employé chargé de la correspondance étrangère. C'est lui qui traduit les lettres anglaises et allemandes. Comme maintenant il n'a plus sa tête, il ne peut plus rien traduire. On voulait faire venir un autre employé pour le remplacer, mais comme celui-là pourrait bien garder la place quand M. Bendit sera guéri, s'il guérit, M. Fabry et M. Montbleu ont proposé de se charger de son travail afin qu'il retrouve sa place plus tard. Mais voilà qu'hier, M. Fabry a été envoyé en Écosse et M. Montbleu est resté embarrassé parce que s'il lit assez bien l'allemand et s'il peut faire les traductions de l'anglais avec M. Fabry, qui a passé plusieurs années en Angleterre, quand il est tout seul, ça ne va plus aussi bien, surtout quand il s'agit de lettres en anglais dont il faut deviner l'écriture. Il expliquait ça à table où je le servais, et il disait qu'il avait peur d'être obligé de renoncer à remplacer M. Bendit. Alors j'ai eu l'idée de lui dire que vous parliez l'anglais comme le français. Je parlais français avec mon père, anglais avec ma mère, et quand nous nous entretenions tous les trois ensemble, nous employions tantôt une langue, tantôt l'autre, indifféremment sans y faire attention. Pourtant, je n'ai pas osé. Mais maintenant, est-ce que je peux lui dire cela ? Certainement, si vous croyez qu'il peut avoir besoin d'une pauvre fille comme moi. Il ne s'agit pas d'une pauvre fille ou d'une demoiselle. Il s'agit de savoir si vous parlez l'anglais. Je le parle, mais traduire une lettre d'affaires, c'est autre chose. Pas avec M. Montbleu, qui connaît les affaires. Peut-être. Alors, s'il en est ainsi... « Dites à M. Montbleu que je serais bien heureuse de pouvoir faire quelque chose pour M. Bendit. »« Je le lui dirai. » La perche, malgré sa grosseur, avait été dévorée et le cresson avait aussi disparu. On arrivait au dessert. Perrine se leva et remplaça les feuilles de berce sur lesquelles le poisson avait été servi par des feuilles de nénuphar en forme de coupe, veinées et vernissées comme eût pu l'être le plus beau des émaux. Puis elle offrit ses groseilles à maquereau. « Acceptez donc !» dit-elle en riant comme si elle avait joué à la poupée, « quelques fruits de mon jardin. »« Où est-il, votre jardin ?»« Sur notre tête, un groseillier a poussé dans les branches d'un des saules qui sert de pilier à la maison. »« Savez-vous que vous n'allez pas pouvoir l'occuper longtemps encore, votre maison ? Jusqu'à l'hiver, je pense. Jusqu'à l'hiver ? Et la chasse au marais qui va ouvrir ? À ce moment, l'aumus servira pour sûr. Ah, mon Dieu ! La journée qui avait si bien commencé finit sur cette terrible menace, et cette nuit-là fut certainement la plus mauvaise que Perrine eût passée dans son île depuis qu'elle l'occupait. Où irait-elle ? Et tous ces ustensiles qu'elle avait eu tant de peine à réunir, qu'en ferait-elle ? Chapitre 23. Si Rosalie n'avait parlé que de la prochaine ouverture de la chasse au marais, Perrine serait restée sous le coup de ce danger, gros de menace pour elle. Mais ce qu'elle avait dit de la maladie de Bendit et des traductions de Montbleu apportait une diversion à cette impression. Oui, elle était charmante, son île, et ce serait un vrai désastre que de la quitter. Mais en ne la quittant point, elle ne se rapprocherait pas, et même il semblait qu'elle ne se rapprocherait jamais du but que sa mère lui avait fixé et qu'elle devait poursuivre. Tandis que si une occasion se présentait pour elle d'être utile à Bendit et à Montbleu, elle se créait ainsi des relations qui lui entr'ouvriraient peut-être des portes par lesquelles elle pourrait passer plus tard. Et c'était là une considération qui devait l'emporter sur toutes les autres, même sur le chagrin d'être dépossédée de son royaume. Ce n'était pas pour jouer à ce jeu, si amusant qu'il fût, pour dénicher des nids, pêcher des poissons, cueillir des fleurs, écouter le chant des oiseaux, donner des dînettes, qu'elle avait supporté les fatigues et les misères de son douloureux voyage. Le lundi, comme cela avait été convenu avec Rosalie, elle passa devant la maison de Mère Françoise à la sortie de midi, afin de se mettre à la disposition de Montbleu, si celui-ci avait besoin d'elle. Mais Rosalie vint lui dire que, comme il n'arrivait pas de lettre d'Angleterre le lundi, il n'y avait pas eu de traduction à faire le matin. Peut-être serait-ce pour le lendemain. Et Perrine, rentrée à l'atelier, avait repris son travail, quand, quelques minutes après 2 heures, la quille la happa au passage. « Va vite au bureau !»« Pourquoi faire ? Est-ce que ça me regarde ? On me dit de t'envoyer au bureau. Vas-y !» Elle n'en demanda pas davantage. D'abord parce qu'il était inutile de questionner la quille, ensuite parce qu'elle se doutait de ce qu'on voulait d'elle. Cependant, elle ne comprenait pas très bien que s'il s'agissait de travailler avec Montbleu à une traduction difficile, on la fit venir dans le bureau où tout le monde pourrait la voir et par conséquent apprendre qu'il avait besoin d'elle. Du haut de son perron, Talwell, qui la regardait venir, l'appela. « Viens ici !» Elle monta vivement les marches du perron. « C'est bien toi qui parles anglais ? » demanda-t-il. « Réponds-moi sans mentir. »« Ma mère était anglaise. »« Et le français ? » Tu n'as pas d'accent ? Mon père était français. Tu parles donc les 2 langues ? Oui, monsieur. Bon, tu vas aller à Saint-Pipois, où monsieur Vulfranc a besoin de toi. En entendant ce nom, elle laissa paraître une surprise qui fâcha le directeur. Es-tu stupide ? Elle avait déjà eu le temps de se remettre et de trouver une réponse pour expliquer sa surprise. Je ne sais pas où est Saint-Pipois. On va t'y conduire en voiture, tu ne te perdras donc pas. Et du haut du perron, il appela. « Guillaume !» La voiture de M. Vulfranc, qu'elle avait vue rangée, à l'ombre, le long des bureaux, s'approcha. « Voilà la fille !» dit Talwell. « Vous pouvez la conduire à M. Vulfranc, et promptement, n'est-ce pas ?» Déjà, Perrine avait descendu le perron et allait monter à côté de Guillaume, mais il l'arrêta d'un signe de main. « Pas par là, » dit-il, « derrière !» En effet, un petit siège pour une seule personne se trouvait derrière. Elle y monta et la voiture partit grand train. Quand ils furent sortis du village, Guillaume, sans ralentir l'allure de son cheval, se tourna vers Perrine. « C'est vrai que vous savez l'anglais ? » demanda-t-il. « Oui. Vous allez avoir la chance de faire plaisir au patron. » Elle s'enhardit à poser une question. « Comment cela ? » ?»« Parce qu'il est avec des mécaniciens anglais qui viennent d'arriver pour monter une machine et qu'il ne peut pas se faire comprendre. Il a amené avec lui M. Montbleu, qui parle anglais à ce qu'il dit. » Mais l'anglais de M. Montbleu n'est pas celui des mécaniciens, si bien qu'ils se disputent sans se comprendre, et le patron est furieux. C'était à mourir de rire. À la fin, M. Montbleu, n'en pouvant plus, espérant calmer le patron, a dit qu'il y avait aux canettes une jeune fille appelée Aurélie qui parlait l'anglais, et le patron m'a envoyé vous chercher. » Il y eut un moment de silence, puis de nouveau il se tourna vers elle. « Vous savez que si vous parlez l'anglais comme Monsieur Montbleu, vous feriez peut-être mieux de descendre tout de suite. » Il prit un air gouailleur. « Faut-il arrêter ? Vous pouvez continuer. Ce que j'en dis, c'est pour vous. Je vous remercie. » Cependant, malgré la fermeté de sa réponse, elle n'était pas sans éprouver une angoisse qui lui étreignait le cœur, car si elle était sûre de son anglais, elle ignorait quel était celui de ses mécaniciens, qui n'était pas celui de Monsieur Montbleu, comme disait Guillaume en se moquant. Puis elle savait que chaque métier a sa langue, ou tout au moins ses mots techniques, et elle n'avait jamais parlé la langue de la mécanique. Qu'elle ne comprit pas, qu'elle hésita, et Monsieur Vulfranc n'allait-il pas être furieux contre elle, comme il l'avait été contre Monsieur Montbleu ? Déjà, ils approchaient des usines de Saint-Pipois, dont on apercevait les hautes cheminées fumantes au-dessus des cimes des peupliers. Elle savait qu'à Saint-Pipois, on faisait la filature et le tissage comme à Maraucourt, et que, de plus, on y fabriquait des cordages et des ficelles, seulement qu'elle sut cela ou l'ignora, ce qu'elle allait avoir à entendre et à dire ne s'en trouvait pas éclairci. Quand elle put, au tournant du chemin, embrasser d'un coup d'œil l'ensemble des bâtiments épars dans la prairie, il lui sembla que pour être moins importants que ceux de Maraucourt, ils étaient considérables cependant. Mais déjà la voiture franchissait la grille d'entrée. Presque aussitôt, elle s'arrêta devant les bureaux. « Venez avec moi, » dit Guillaume. Et il la conduisit dans une pièce où se trouvait M. Vulfranc, ayant près de lui le directeur de Saint-Pipois avec qui il s'entretenait. « Voilà la fille, » dit Guillaume, son chapeau à la main. « C'est bien, laisse-nous. » Sans s'adresser à Perrine, M. Vulfranc fit signe au directeur de se pencher vers lui et il lui parla à voix basse. Le directeur répondit de la même manière, mais Perrine avait l'ouïe fine. Elle comprit plutôt qu'elle n'entendit que M. Vulfranc demandait qui elle était et que le directeur répondait. « Une jeune fille de 12 à 13 ans, qui n'a pas l'air bête du tout. « Approche, mon enfant, » dit M. Vulfranc d'un ton qu'elle lui avait déjà entendu prendre pour parler à Rosalie et qui ne ressemblait en rien à celui qu'il avait avec ses employés. Elle s'en trouva encouragée et put se redire contre l'émotion qui la troublait. « Comment t'appelles-tu ? » demanda M. Vulfranc. « Aurélie. Qui sont tes parents ? » « Je les ai perdus. Depuis combien de temps travailles-tu chez moi ?»« Depuis 3 semaines. »« D'où es-tu ? » ?»« Je viens de Paris. » »« Tu parles anglais ? » ?»« Ma mère était anglaise. » »« Alors, tu sais l'anglais ?»« Je parle l'anglais de la conversation et le comprends, mais... »« Il n'y a pas de mais. Tu le sais ou tu ne le sais pas ?»« Je ne sais pas celui des divers métiers qui emploient des mots que je ne connais pas. » »« Vous voyez, Benoît, que ce que cette petite dit là n'est pas sot. » fit M. Vulfranc en s'adressant à son directeur. « Je vous assure qu'elle n'a pas l'air bête du tout. Alors, nous allons peut-être en tirer quelque chose. » Il se leva en s'appuyant sur une canne et prit le bras du directeur. « Suis-nous, mon enfant. » Ordinairement, les yeux de Perrine savaient voir et retenir ce qu'il rencontrait. Mais dans le trajet qu'elle fit derrière M. Vulfranc, ce fut en dedans qu'elle regarda. Qu'allait-il advenir de cet entretien avec les mécaniciens anglais ? En arrivant devant un grand bâtiment neuf, construit en briques blanches et bleues émaillées, elle aperçut Montbleu qui se promenait en long et en large, d'un air ennuyé, et elle crut voir qu'il lui lançait un mauvais regard. On entra et l'on monta au premier étage, où au milieu d'une vaste salle se trouvaient, sur le plancher, des grandes caisses en bois blanc, bariolées d'inscriptions de diverses couleurs, avec les noms « Matte » et « Plate » « Manchester » répétés partout. Sur une de ces caisses, les mécaniciens anglais étaient assis, et Perrine remarqua que pour le costume au moins, ils avaient la tournure de gentlemen, complet de drap, épingle d'argent à la cravate, et cela lui donna à espérer qu'elle pourrait mieux les comprendre que s'ils étaient des ouvriers grossiers. À l'arrivée de M. Vulfranc, il s'était levé, alors celui-ci se tourna vers Perrine. « Dis-leur que tu parles anglais et qu'ils peuvent s'expliquer avec toi. » Elle fit ce qui lui était commandé, et au premier mot, elle eut la satisfaction de voir la physionomie renfrognée des ouvriers s'éclairer. Il est vrai que ce n'était là qu'une phrase de conversation courante, mais leur demi-sourire était de bon augure. « Ils ont parfaitement compris, » dit le directeur. « Alors, maintenant, » dit M. Vulfranc, « demande-leur pourquoi ils viennent 8 jours avant la date fixée pour leur arrivée. Cela fait que l'ingénieur qui devait les diriger et qui parle anglais est absent. » Elle traduisit cette phrase fidèlement et tout de suite la réponse que l'un d'eux lui fit. Ils disent qu'ayant achevé à Cambrai le montage des machines plus tôt qu'ils ne pensaient, ils sont venus ici directement au lieu de repasser par l'Angleterre. « Chez qui ont-ils monté ces machines à Cambrai ?» demanda M. Vulfranc. « Chez messieurs Aveline Frères. »« Quelles sont ces machines ?» Une fois la question posée et la réponse reçue en anglais, Perrine hésita. « Pourquoi hésites-tu ? » demanda vivement M. Vulfranc d'un ton impatient. « Parce que c'est un mot de métier que je ne connais pas. Dis ce mot en anglais. « Hydraulic mangle. » C'est bien cela. Il répéta le mot en anglais, mais avec un tout autre accent que les ouvriers, ce qui expliquait qu'il n'eût pas compris ceux-ci lorsqu'il l'avait prononcé. Puis s'adressant au directeur, « Vous voyez que les Avelines nous ont devancés. Nous n'avons donc pas de temps à perdre. Je vais télégraphier à Fabry de revenir au plus vite. Mais en attendant, il nous faut décider ces gaillards-là à se mettre au travail. Demande-leur, petite, pourquoi ils se croisent les bras. » Elle traduisit la question à laquelle celui qui paraissait le chef fit une longue réponse. « Eh bien ?» demanda M. Vulfranc. « Ils répondent des choses très compliquées pour moi. Tâche cependant de me les expliquer. Ils disent que le plancher n'est pas assez solide pour porter leur machine qui pèse 120 000 livres. » Elle s'interrompit pour interroger les ouvriers en anglais. « 120 ?»« Yes. » »« C'est bien 120 000 livres et que ce poids crèverait le plancher, la machine travaillant. » »« Mais les poutres ont 70 cm de hauteur. » Elle transmit l'objection, écouta la réponse des ouvriers et continua. Ils disent qu'ils ont vérifié l'horizontalité du plancher et qu'il a fléchi. Ils demandent qu'on fasse le calcul de résistance ou qu'on place des étais sous le plancher. Le calcul, Fabry le fera à son retour. Les étais, on va les placer tout de suite. Dis-leur cela. Qu'ils se mettent donc au travail sans perdre une minute. On leur donnera tous les ouvriers dont ils peuvent avoir besoin. Charpentiers, maçons, ils n'auront qu'à demander en s'adressant à toi qui sera à leur disposition, n'ayant qu'à transmettre leur demande à M. Benoît. » Elle traduisit ses instructions aux ouvriers, qui parurent satisfaits quand elle dit qu'elle serait leur interprète. « Tu vas donc rester ici, » continua M. Vulfranc. « On te donnera une fiche pour ta nourriture et ton logement à l'auberge où tu n'auras rien à payer. Si l'on est content de toi, tu recevras une gratification au retour de M. Fabry. » Chapitre 24. Interprète, le métier valait mieux que celui de rouleuse. Ce fut en cette qualité que, la journée finie, elle conduisit les monteurs à l'auberge du village où elle arrêta un logement pour eux et pour elle, non dans une misérable chambrée, mais dans une chambre où chacun serait chez soi. Comme ils ne comprenaient pas et ne disaient pas un seul mot de français, ils voulurent qu'elle mangeât avec eux, ce qui leur permit de commander un dîner qui eut suffi à nourrir 10 picards, et qui, par l'abondance des viandes, ne ressemblait en rien au festin, cependant si plantureux, que la veille Perrine offrait à Rosalie. Cette nuit-là, ce fut dans un vrai lit qu'elle s'étendit, et dans de vrais draps qu'elle s'enveloppa. Cependant, le sommeil fut long, très long à venir. Encore, lorsqu'il finit par fermer ses paupières, fut-il si agité qu'elle se réveilla 100 fois. Alors, elle s'efforçait de se calmer en se disant qu'elle devait suivre la marche des événements sans chercher à les deviner, heureux ou malheureux, qu'il n'y avait que cela de raisonnable, que ce n'était pas quand les choses semblaient prendre une direction si favorable qu'elle pouvait se tourmenter, enfin qu'il fallait attendre. Mais les plus beaux discours, quand on se les adresse à soi-même, n'ont jamais fait dormir personne, et même plus ils sont beaux, plus ils ont de chances de nous tenir éveillés. Le lendemain matin, quand le sifflet de l'usine se fit entendre, elle alla frapper aux portes des deux monteurs pour leur annoncer qu'il était l'heure de se lever. Mais des ouvriers anglais n'obéissent pas plus au sifflet qu'à la sonnette, sur le continent au moins. Et ce ne fut qu'après avoir fait une toilette que ne connaissent pas les Picards, et après avoir absorbé de nombreuses tasses de thé avec de copieuses rôties bien beurrées, qu'ils se rendirent à leur travail, suivis de Perrine qui les avait discrètement attendus devant la porte, en se demandant s'ils en finiraient jamais et si M. Vulfranc ne serait pas à l'usine avant eux. Ce fut seulement dans l'après-midi qu'il vint, accompagné d'un de ses neveux, le plus jeune, M. Casimir, car ne pouvant pas voir avec ses yeux voilés, il avait besoin qu'on vît pour lui. Mais ce fut un regard dédaigneux que Casimir jeta sur le travail des monteurs, qui, à vrai dire, ne consistait encore qu'en préparation. « Il est probable que ces garçons-là ne feront pas grand-chose tant que Fabry ne sera pas de retour, » dit-il. « Au reste, il n'y a pas à s'en étonner, avec le surveillant que vous leur avez donné. » Il prononça ces derniers mots d'un ton sec et moqueur, mais M. Vulfranc, au lieu de s'associer à cette raillerie, l'a pris par le mauvais côté. « Si tu avais été en état de remplir cette surveillance, je n'aurais pas été obligé de prendre cette petite au canetière. » Perrine le vit se cabrer d'un air rageur sous cette observation, faite d'une voix sévère, mais Casimir se contint pour répondre presque légèrement. « Il est certain que si j'avais pu prévoir qu'on me ferait un jour quitter l'administration pour l'industrie, j'aurais appris l'anglais plutôt que l'allemand. » « Il n'est jamais trop tard pour apprendre, » répliqua M. Vulfranc, de façon à clore cette discussion où de chaque côté les paroles étaient parties si vite. Perrine s'était faite toute petite, sans oser bouger, mais Casimir ne tourna pas les yeux vers elle, et presque aussitôt il sortit, donnant le bras à son oncle. Alors elle fut libre de suivre ses réflexions. « Il était vraiment dur avec son neveu, M. Vulfranc. Mais combien le neveu était-il rogue, sec et déplaisant ? S'ils avaient de l'affection l'un pour l'autre, certes ils n'y paraissaient guère. Pourquoi cela ? Pourquoi le jeune homme n'était-il pas affectueux pour le vieillard accablé par le chagrin et la maladie ? Pourquoi le vieillard était-il si sévère avec l'un de ceux qui remplaçaient son fils auprès de lui ? Comme elle tournait ces questions, M. Vulfranc rentra dans l'atelier, amené cette fois par le directeur, qui, l'ayant fait asseoir sur une caisse d'emballage, lui expliqua où en était le travail des monteurs. Après un certain temps, il entendit le directeur appeler à deux reprises. « Aurélie ! Aurélie !» Mais elle ne bougea pas, ayant oublié qu'Aurélie était le nom qu'elle s'était donné. Une troisième fois, il cria. « Aurélie !» Alors, comme si elle s'éveillait en sursaut, elle courut à eux. « Est-ce que tu es sourde ? » demanda Benoît. « Non, monsieur, j'écoutais les monteurs. »« Vous pouvez me laisser, » dit M. Vulfranc au directeur. Quand celui-ci fut parti, s'adressant à Perrine restée debout devant lui, « Tu sais lire, mon enfant ?»« Oui, monsieur. »« Lire l'anglais ?»« Oui, comme le français, l'un ou l'autre, ça m'est égal. »« Mais sais-tu, en lisant l'anglais, le mettre en français ?»« Quand ce ne sont pas de belles phrases, oui, monsieur. »« Des nouvelles dans un journal ?»« Je n'ai jamais essayé. » Parce que si je lisais un journal anglais, je n'avais pas besoin de me le traduire à moi-même, puisque je comprends ce qu'il dit. Si tu comprends, tu peux traduire. Je crois que oui, monsieur. Cependant, je n'en suis pas sûr. Eh bien, nous allons essayer pendant que les monteurs travaillent. Mais après les avoir prévenus que tu restes à leur disposition et qu'ils peuvent t'appeler s'ils ont besoin de toi. Tu vas tâcher de me traduire, dans ce journal, les articles que je t'indiquerai. Va les prévenir et reviens t'asseoir près de moi. Quand sa commission faite, elle se fut assise à une distance respectueuse de M. Vulfranc et lui tendit son journal, le Dundee News. « Que dois-je lire ? » demanda-t-elle en le dépliant. « Cherche la partie commerciale. » Elle se perdit dans les longues colonnes noires qui se succédaient indéfiniment, anxieuse, se demandant comment elle allait se tirer de ce travail nouveau pour elle et si M. Vulfranc ne s'impatienterait pas de sa lenteur ou ne se fâcherait pas de sa maladresse. Mais au lieu de la bousculer, il la rassura, car avec sa finesse d'oreille, si subtile chez les aveugles, il avait deviné son émotion au tremblement du papier. « Ne te presse pas, nous avons le temps. D'ailleurs, tu n'as peut-être jamais lu un journal commercial ?»« Il est vrai, monsieur. » Elle continua ses recherches et tout à coup, elle laissa échapper un petit cri. « Tu as trouvé ?»« Je crois. » »« Maintenant, cherche la rubrique « Linen, Hemp, Jute, Sax, Twine ». « Mais, monsieur, vous savez l'anglais ? » s'écria-t-elle involontairement. « 5 ou 6 mots de mon métier, c'est tout, malheureusement. » Quand elle eut trouvé, elle commença sa traduction qui fut d'une lenteur désespérante pour elle, avec des hésitations, des annonnements qui lui faisaient perler la sueur sur les mains, bien que M. Vulfranc de temps en temps la soutînt. « C'est suffisant, je comprends, va toujours. » Et elle reprenait, élevant la voix quand les mécaniciens menaçaient de l'étouffer dans leurs coups de marteau. Enfin, elle arriva au bout. « Maintenant, voici il y a des nouvelles de Calcutta. » Elle chercha. « Oui, voilà, de notre correspondant spécial. »« C'est cela, lis. » Les nouvelles que nous recevons de Dakka. » Elle prononça ce mot avec un tremblement de voix qui frappa M. Vulfranc. « Pourquoi trembles-tu » demanda-t-il. « Je ne sais pas si j'ai tremblé. Sans doute c'est l'émotion. » « Je t'ai dit de ne pas te troubler. Ce que tu donnes est beaucoup plus que ce que j'attendais. » Elle lut la traduction de la correspondance de Dakka qui traitait de la récolte du jute sur les rives du Brahmaputra. Puis, quand elle eut fini, il lui dit de chercher aux nouvelles de mer si elle trouvait une dépêche de Sainte-Hélène. « Sainte-Hélène est le mot anglais, » dit-il. Elle recommença à descendre et à monter les colonnes noires. Enfin, le nom de Sainte-Hélène lui sauta aux yeux. « Passé le 23, navire anglais, Alma de Calcutta pour Dundee. Le 24, navire norvégien Grundloven de Narengauj pour Boulogne. » Il parut satisfait. « C'est très bien, dit-il, je suis content de toi. » Elle eût voulu répondre, mais de peur que sa voix trahît son trouble de joie, elle garda le silence. Il continua. « Je vois qu'en attendant que ce pauvre Bendit soit guéri, je pourrai me servir de toi. » Après s'être fait rendre compte du travail accompli par les monteurs et avoir répété à ceux-ci ses recommandations de se hâter autant qu'il pourrait, il dit à Perrine de le conduire au bureau du directeur. « Est-ce que je dois vous donner la main ? » demanda-t-elle timidement. « Mais certainement, mon enfant. Comment me guiderais-tu sans cela ? Avertis-moi aussi quand nous trouverons un obstacle sur notre chemin. Surtout ne sois pas distraite. Ou je vous assure, monsieur, que vous pouvez avoir confiance en moi. Tu vois bien que je l'ai, cette confiance. » Respectueusement, elle lui prit la main gauche, tandis que de la droite, il tâtait l'espace devant lui, du bout de sa canne. À peine sortis de l'atelier, ils trouvèrent devant eux la voie du chemin de fer, avec ses rails en saillie, et elle crut devoir l'en avertir. « Pour cela, c'est inutile, » dit-il. « J'ai le terrain de toutes mes usines dans la tête et dans les jambes. Mais ce que je ne connais pas, ce sont les obstacles imprévus que nous pouvons rencontrer. C'est ceux-là qu'il faut me signaler ou me faire éviter. » Ce n'était pas seulement le terrain de ses usines qu'il avait dans la tête. C'était aussi son personnel. Quand il passait dans les cours, les ouvriers le saluaient, non seulement en se découvrant comme s'il eût pu les voir, mais encore en prononçant son nom. « Bonjour, monsieur Vulfranc. » Et pour un grand nombre, au moins pour les anciens, il répondait de la même manière. « Bonjour, Jacques. » Ou « Bonjour, Pascal. » Sans que son oreille eût oublié leur voix. Quand il y avait hésitation dans sa mémoire, ce qui était rare car il les connaissait presque tous, il s'arrêtait. « Est-ce que ce n'est pas toi ? » disait-il en le nommant. S'il s'était trompé, il expliquait pourquoi. Marchant ainsi lentement, le trajet fut long des ateliers au bureau. Quand elle l'eut conduit à son fauteuil, il la congédia. « À demain !» dit-il. Chapitre 25. En effet, le lendemain, à la même heure que la veille, M. Vulfranc entra dans l'atelier amené par le directeur, mais Perrine ne put pas aller au-devant de lui comme elle l'aurait voulu, car elle était à ce moment occupée à transmettre les instructions du chef monteur aux ouvriers qui l'avaient réunis. Maçons, charpentiers, forgerons, mécaniciens, et, nettement, sans hésitation, sans répétition, elle traduisait à chacun les indications qui lui étaient données en même temps qu'elle répétait au chef monteur les questions ou les objections que les ouvriers français lui adressaient. Lentement, M. Vulfranc s'était approché et les voix s'interrompant, de sa canne, il avait fait signe de continuer comme s'il n'était pas là. Et pendant que Perrine, obéissante, se conformait à cet ordre, il se penchait vers le directeur. « Savez-vous que cette petite ferait un excellent ingénieur ? » dit-il à mi-voix, mais pas assez bas cependant, pour que Perrine ne l'entendît point. « Positivement, elle est étonnante pour la décision. Et pour bien d'autres choses encore, je crois. Elle m'a traduit hier le Dundee News plus intelligemment que Bendit, et c'était la première fois qu'elle lisait la partie commerciale d'un journal. Sait-on ce qu'étaient ses parents ? Peut-être Talwell le sait-il, moi je l'ignore. En tout cas, elle paraît être dans une misère pitoyable. Je lui ai donné 5 francs pour sa nourriture et son logement. Je veux parler de sa tenue. Sa veste est une dentelle. Je n'ai jamais vu jupe pareille à la sienne que sur le corps des bohémiennes. Et certainement, elle a dû fabriquer elle-même les espadrilles dont elle est chaussée. Et la physionomie, qu'est-elle, Benoît ? Intelligente, très intelligente. Vicieuse ? Non, pas du tout. Honnête, au contraire, franche et résolue. Ses yeux perceraient une muraille, et cependant ils ont une grande douceur avec de la méfiance. D'où diable nous vient-elle ? Pas de chez nous, assurément. Elle m'a dit que sa mère était anglaise. Je ne trouve pas qu'il y ait en elle rien des Anglais que j'ai connus. C'est autre chose, tout autre chose. Avec cela jolie, et d'autant plus que son costume réellement misérable fait ressortir sa beauté. Il faut vraiment qu'il y ait en elle une sympathie ou une autorité native pour qu'avec une pareille tenue, nos ouvriers veuillent bien l'écouter. Et comme Benoît était de caractère à ne pas laisser passer une occasion d'adresser une flatterie au patron qui tenait la liste des gratifications, il ajouta « Sans la voir, vous avez deviné tout cela ?» Son accent m'a frappé. Bien que n'entendant pas tout ce discours, Perrine en avait saisi quelques mots qu'il avait jetés dans une agitation violente contre laquelle elle s'était efforcée de réagir, car ce n'était pas ce qui se disait derrière elle qu'elle devait écouter, si intéressant que cela pût être, mais bien les paroles que lui adressaient le monteur et les ouvriers. Que penserait M. Vulfranc si, dans ses explications en français, elle lâchait quelque ineptie qui prouverait son inattention ? Elle eut la chance d'arriver au bout de ses explications, et alors M. Vulfranc l'appela près de lui. « Aurélie !» Cette fois, elle n'eut garde de ne pas répondre à ce nom qui désormais devait être le sien. Comme la veille, il la fit asseoir près de lui en lui remettant un papier pour qu'elle le traduisît, mais au lieu d'être le Dundee News, ce fut la circulaire de la Dundee Traders Report Association, qui est en quelque sorte le bulletin officiel du commerce du jute, aussi sans avoir à chercher de ci de là, dut-elle la traduire d'un bout à l'autre. Comme la veille aussi, lorsque la séance de traduction fut terminée, il se fit conduire par elle à travers les cours de l'usine, mais cette fois ce fut en la questionnant. « Tu m'as dit que tu avais perdu ta mère. Combien y a-t-il de temps ?»« 5 semaines. »« À Paris ?»« À Paris. » »« Et ton père ?»« Je l'ai perdu il y a 6 mois. » Lui tenant la main dans la sienne, il sentit à la contraction qui la rétracta combien était douloureuse l'émotion que ses souvenirs évoquaient. Aussi, sans abandonner son sujet, passa-t-il les questions qui nécessairement découlaient de celles auxquelles elle venait de répondre. « Que faisaient tes parents ?»« Nous avions une voiture et nous vendions. » »« Aux environs de Paris ?»« Tantôt dans un pays, tantôt dans un autre. Nous voyagions. » »« Et ta mère morte, tu as quitté Paris ?»« Oui, monsieur. » »« Pourquoi ?»« Parce que maman m'avait fait promettre de ne pas rester à Paris quand elle ne serait plus là et d'aller dans le nord auprès de la famille de mon père. » « Alors, pourquoi es-tu venu ici ? Quand ma pauvre maman est morte, il nous avait fallu vendre notre voiture, notre âne, le peu que nous avions, et cet argent avait été épuisé par la maladie. En sortant du cimetière, il me restait 5 francs 35 centimes, qui ne me permettait pas de prendre le chemin de fer. Alors je me décidai à faire la route à pied. » Monsieur Vulfranc eut un mouvement dans les doigts dont elle ne comprit pas la cause. « Pardonnez-moi si je vous ennuie, monsieur. Je dis sans doute des choses inutiles. » « Tu ne m'ennuies pas, au contraire. Je suis content de voir que tu es une brave fille. J'aime les gens de volonté, de courage, de décision, qui ne s'abandonnent pas. Et si j'ai plaisir à rencontrer ces qualités chez les hommes, j'en ai un plus grand encore à les trouver chez un enfant de ton âge. Te voilà donc parti avec 107 sous dans ta poche. Un couteau, un morceau de savon, un dé, 2 aiguilles, du fil, une carte routière, c'est tout. Tu sais te servir d'une carte ? Il faut bien, quand on roule par les grands chemins. » C'était tout ce que j'avais sauvé du mobilier de notre voiture. Il l'interrompit. « Nous avons un grand arbre sur notre gauche, n'est-ce pas ?»« Avec un banc autour, oui, monsieur. »« Allons-y, nous serons mieux sur ce banc. » Quand ils furent assis, elle continua son récit qu'elle n'eut plus souci d'abréger, car elle voyait qu'il intéressait M. Vulfranc. « Tu n'as pas eu l'idée de tendre la main ?» demanda-t-il quand elle en fut à sa sortie de la forêt où l'orage avait fondu sur elle. « Non, monsieur, jamais. » « Mais sur quoi as-tu compté quand tu as vu que tu ne trouvais pas d'ouvrage ?»« Sur rien. J'ai espéré qu'en allant tant que j'aurais des forces, je pouvais me sauver. C'est quand j'ai été à bout que je me suis abandonnée, parce que je ne pouvais plus. Si j'avais faibli 1 heure plus tôt, j'étais perdue. » Elle raconta alors comment elle était sortie de son évanouissement sous les léchades de son âne et comment elle avait été secourue par la marchande de chiffons. Puis, passant vite sur le temps pendant lequel elle était restée chez la rouquerie, elle en vint à la rencontre qu'elle avait faite de Rosalie. En causant, dit-elle, j'appris que dans vos usines on donne du travail à tous ceux qui en demandent, et je me décidai à me présenter. On voulut bien m'envoyer au canetière. Quand vas-tu te remettre en route ? Elle ne s'attendait pas à cette question qui l'interloqua. Mais je ne pense pas à me remettre en route, répondit-elle après un moment de réflexion. Et tes parents ? Je ne les connais pas. Je ne sais pas s'ils sont disposés à me faire bon accueil, car ils étaient fâchés avec mon père. J'allais près d'eux parce que je n'ai personne à qui demander protection, mais sans savoir s'ils voudraient m'accueillir. Puisque je trouve à travailler ici, il me semble que le mieux pour moi est de rester ici. Que deviendrais-je si l'on me repoussait ? Assurée de ne pas mourir de faim, j'ai très peur de courir de nouvelles aventures. Je ne m'y exposerais que si j'avais des chances de mon côté. Ses parents se sont-ils jamais occupés de toi ? Jamais. Alors, ta prudence peut être avisée. Cependant, si tu ne veux pas courir l'aventure d'aller frapper à une porte qui reste fermée et te laisse dehors, pourquoi n'écrirais-tu pas, soit à tes parents, soit au maire ou au curé de ton village ? Ils peuvent n'être pas en état de te recevoir, et alors tu restes ici où ta vie est assurée. Mais ils peuvent aussi être heureux de te recevoir à bras ouverts, alors tu trouves près d'eux une affection, des soins, un soutien qui te manqueront si tu restes ici. Et il faut que tu saches que la vie est difficile pour une fille de ton âge qui est seule au monde, triste aussi. Oui, monsieur, bien triste. Je le sais, je le sens tous les jours, et je vous assure que si je trouvais des bras ouverts, je m'y jetterais avec bonheur. Mais s'ils restent aussi fermés pour moi qu'ils l'ont été pour mon père ? Tes parents avaient-ils des griefs sérieux contre ton père ? Je veux dire légitimes, par suite de fautes graves ? Je ne peux pas penser que mon père que j'ai connu, si bon pour tous, si brave, si généreux, si tendre, si affectueux pour ma mère et pour moi, ait jamais rien fait de mal. Mais enfin, ses parents ne se sont pas fâchés contre lui, et avec lui sans raison sérieuse, il me semble. Évidemment, mais les griefs qu'ils pouvaient avoir contre lui, ils ne les ont pas contre toi. Les fautes des pères ne retombent pas sur les enfants. Si cela pouvait être vrai... Elle jeta ces mots avec un accent si ému que M. Vulfranc en fut frappé. « Tu vois comme au fond de ton cœur tu souhaites être accueilli par eux. Mais il n'est rien que je redoute tant que d'être repoussé. Et pourquoi le serais-tu ? Tes grands-parents avaient-ils d'autres enfants que ton père ? Non. Pourquoi ne seraient-ils pas heureux que tu leur tiennes lieu du fils perdu ? Tu ne sais pas ce que c'est que d'être seul au monde. Mais justement, je ne le sais que trop. » La jeunesse isolée, qui a l'avenir devant elle, n'est pas du tout dans la même situation que la vieillesse, qui n'a que la mort. S'il ne pouvait pas la voir, elle, de son côté, ne le quittait pas des yeux, tâchant de lire en lui les sentiments que ses paroles trahissaient. Après cette allusion à la vieillesse, elle s'oublia à chercher sur sa physionomie la pensée du fond de son cœur. « Eh bien, dit-il après un moment d'attente, que décides-tu ? N'allez pas imaginer, monsieur, que je balance. » C'est l'émotion qui m'empêche de répondre. Ah, si je pouvais croire que ce serait une fille qu'on recevrait, non une étrangère qu'on repousserait. Tu ne connais rien de la vie, pauvre petite, mais sache bien que la vieillesse ne peut pas plus être seule que l'enfance. Est-ce que tous les vieillards pensent ainsi, monsieur ? S'ils ne le pensent pas, ils le sentent. Vous croyez ? Dit-elle, les yeux attachés sur lui, frémissante. Il ne lui répondit pas directement. Mais parlant à mi-voix comme s'il s'entretenait avec lui-même. « Oui, dit-il, oui, ils le sentent. » Puis, se levant brusquement comme pour échapper à des idées qui lui seraient douloureuses, il dit d'un ton de commandement. « Au bureau !» Chapitre 26. Quand l'ingénieur Fabry reviendrait-il ? C'était la question que Perrine se posait avec inquiétude, puisque ce jour-là, son rôle d'interprète auprès des monteurs anglais serait fini. Celui de traductrice des journaux de Dundee pour M. Vulfranc continuerait-il jusqu'à la guérison de Bendit ? En était une autre, plus anxieuse encore. Ce fut le jeudi, en arrivant le matin avec les monteurs, qu'elle trouva Fabry dans l'atelier, occupée à inspecter les travaux qui avaient été faits. Discrètement, elle se tint à une distance respectueuse et se garda bien de se mêler aux explications qui s'échangèrent, mais le chef monteur la fit quand même intervenir. « Sans cette petite, dit-il, nous aurions eu qu'à nous croiser les bras. »« Alors Fabry la regarda, mais sans rien lui dire, tandis que de son côté elle n'osait lui demander ce qu'elle devait faire, c'est-à-dire si elle devait rester à Saint-Pipois ou retourner à Maraucourt. Dans le doute, elle resta, pensant que puisque c'était M. Villefranc qui l'avait fait venir, c'était lui qui devait la garder ou la renvoyer. Il n'arriva qu'à son heure ordinaire, amené par le directeur qui lui rendit compte des instructions que l'ingénieur avait données et des observations qu'il avait faites. Mais il se trouva qu'elles ne lui donnèrent pas entière satisfaction. « Il est fâcheux que cette petite ne soit pas là, » dit-il mécontent. « Mais elle est là, » répondit le directeur, qui fit signe à Perrine d'approcher. « Pourquoi n'es-tu pas retourné à Maraucourt ? » demanda M. Villefranc. « J'ai cru que je ne devais partir d'ici que quand vous me le commanderiez, » répondit-elle. « Tu as eu raison, » dit-il. « Tu dois être ici à ma disposition, quand je viens. » Il s'arrêta pour reprendre presque aussitôt. « Et même, j'aurai besoin de toi aussi à Maraucourt. Tu vas donc rentrer ce soir, et demain matin tu te présenteras au bureau. Je te dirai ce que tu as à faire. » Quand elle eut traduit les ordres qu'il voulait donner au monteur, il partit, et ce jour-là il ne fut pas question de lire des journaux. Mais qu'importait ? Ce n'était pas quand le lendemain semblait assuré qu'elle allait prendre souci d'une déception pour le jour présent. « J'aurai besoin de toi aussi à Maraucourt. » Ce fut la parole qu'elle se répéta dans le chemin qu'en venant à Saint-Pipois, elle avait fait à côté de Guillaume. À quoi allait-elle être employée ? Son esprit s'envola, mais sans pouvoir s'accrocher à rien de solide. Une seule chose était certaine, elle ne retournerait point au canetière. Pour le reste, il fallait attendre. Mais non plus dans la fièvre de l'angoisse, car ce qu'elle avait obtenu lui permettait de tout espérer, si elle avait la sagesse de suivre la ligne que sa mère lui avait tracée avant de mourir, lentement, prudemment, sans rien brusquer, sans rien compromettre. Maintenant, elle tenait entre ses mains sa vie qui serait ce qu'elle la ferait. Voilà ce qu'elle devait se dire chaque fois qu'elle aurait une parole à prononcer, chaque fois qu'elle aurait une résolution à prendre, chaque fois qu'elle risquerait un pas en avant. Et cela, sans pouvoir demander conseil à personne. Elle s'en revint à Maraucourt en réfléchissant ainsi, marchant lentement, s'arrêtant lorsqu'elle voulait cueillir une fleur dans le pied d'une haie, ou bien lorsque par-dessus une barrière, une jolie échappée de vue s'offrait à elle sur les prairies et les entailles. Un bouillonnement intérieur, une sorte de fièvre la poussait à hâter le pas, mais volontairement elle le ralentissait. À quoi bon se presser ? C'était une habitude qu'elle devait prendre, une règle qu'elle devait s'imposer de ne jamais céder à des impulsions instinctives. Elle retrouva son île dans l'état où elle l'avait laissée, avec chaque chose à sa place. Les oiseaux avaient même respecté les groseilles du saule qui, ayant mûri pendant son absence, composèrent pour son souper un plat sur lequel elle ne comptait pas du tout. Comme elle était rentrée de meilleure heure que lorsqu'elle sortait de l'atelier, elle ne voulut pas se coucher aussitôt son souper fini, et en attendant la tombée de la nuit, elle passa la soirée en dehors de l'Aumuche, assise dans les roseaux, à l'endroit où la vue courait librement sur l'entaille et ses rives. Alors elle eut conscience que si courte qu'eût été son absence, le temps avait marché et amené des changements pour elle menaçants. Dans les prairies ne régnait plus le silence solennel des soirs qui l'avait si fortement frappé au premier jour de son installation dans l'île, quand dans toute la vallée on entendait sur les eaux, au milieu des hautes herbes, comme sous le feuillage des arbres, que les frôlements mystérieux des oiseaux qui rentraient pour la nuit. Maintenant la vallée était troublée au loin par toutes sortes de bruits, des battements de faux, des grincements d'essieux, des claquements de fouets, des murmures de voix. C'est qu'en effet, comme elle l'avait remarqué en revenant de Saint-Pipois, la fenaison était commencée dans les prairies les mieux exposées, où l'herbe avait mûri plus vite, et bientôt les faucheurs arriveraient à celle de son entaille qu'un ombrage plus épais avait retardé. Alors, sans aucun doute, elle devrait quitter son nid, qui pour elle ne serait plus habitable. Mais que ce fût par la fenaison ou par la chasse, le résultat ne devait-il pas être le même à quelques jours près ? Bien qu'elle fût déjà habituée au bon drap, ainsi qu'aux fenêtres et aux portes closes, elle dormit sur son lit de fougère comme si elle le retrouvait sans l'avoir quitté, et ce fut seulement le soleil levant qui l'éveilla. À l'ouverture des grilles, elle était devant l'entrée des chèdes, mais au lieu de suivre ses camarades pour aller au canetière, elle se dirigea vers les bureaux, se demandant ce qu'elle devait faire. Entrer ? Attendre ? Ce fut à ce dernier parti qu'elle s'arrêta. Puisqu'elle se tenait devant la porte, on la trouverait si on la faisait appeler. Cette attente dura près d'une heure. À la fin, elle vit venir Talouel, qui durement lui demanda ce qu'elle faisait là. « Monsieur Vulfran m'a dit de me présenter ce matin au bureau. »« La cour n'est pas le bureau. »« J'attends qu'on m'appelle. »« Monte. » Elle le suivit. Arrivé sous la véranda, il alla s'asseoir à califourchon sur une chaise et d'un signe de main appela Perrine devant lui. « Qu'est-ce que tu as fait à Saint-Pipois ?» Elle dit à quoi Monsieur Vulfran l'avait employé. « Monsieur Fabry avait donc ordonné des bêtises ?»« Je ne sais pas. » « Comment tu ne sais pas? Tu n'es donc pas intelligente ?»« Sans doute je ne le suis pas. » »« Tu l'es parfaitement. Et si tu ne réponds pas, c'est parce que tu ne veux pas répondre. N'oublie pas qui tu parles. Qu'est-ce que je suis ici ?»« Le directeur ?»« C'est-à-dire le maître. Et puisque comme maître, tout me passe par les mains, je dois tout savoir. Celles qui ne m'obéissent pas, je les mets dehors. Ne l'oublie pas. » C'était bien l'homme dont les ouvrières avaient parlé dans la chambrée. Le maître dur, le tyran, qui voulait être tout dans les usines, non seulement à Maraucourt, mais encore à Saint-Pipois, à Bacourt, à Flexelles, partout, et à qui tous les moyens étaient bons pour étendre et maintenir son autorité, à côté, au-dessus même de celle de M. Vulfran. « Je te demande quelle bêtise a faite M. Fabry, » reprit-il en baissant la voix. « Je ne peux pas vous le dire, puisque je ne le sais pas, mais je peux vous répéter les observations que M. Vulfran m'a fait traduire pour les monteurs. » Elle répéta ses observations sans en omettre un seul mot. « C'est bien tout ?»« C'est tout. Monsieur Vulfran t'a-t-il fait traduire des lettres ?»« Non, monsieur. J'ai seulement traduit des passages du Dundee News et en entier la Dundee Traders Report Association. »« Tu sais que si tu ne me dis pas la vérité, toute la vérité, je la prendrai bien vite. Et alors, oust !» Un geste souligna ce dernier mot, déjà si précis dans sa brutalité. « Pourquoi ne dirais-je pas la vérité ?»« C'est un avertissement que je te donne. »« Je m'en souviendrai, monsieur, je vous le promets. »« Bon, maintenant va t'asseoir sur le banc là-bas. Si monsieur Vulfran a besoin de toi, il se rappellera qu'il t'a dit de venir. » Elle resta près de 2 heures sur son banc, n'osant pas bouger tant que Talouel était là, n'osant même pas réfléchir, ne se reprenant que lorsqu'il sortait, mais s'inquiétant au lieu de se rassurer, car il eût fallu, pour croire qu'elle n'avait rien à craindre de ce terrible homme, une confiance audacieuse qui n'était pas dans son caractère. Ce qu'il exigeait d'elle ne se devinait que trop. Qu'elle fût son espion auprès de M. Vulfran, tout simplement, de façon à lui rapporter ce qui se trouvait dans les lettres qu'elle aurait à traduire. Si c'était là une perspective bien faite pour l'épouvanter, cependant elle avait cela de bon, de donner à croire que Talouel savait, ou tout au moins supposait qu'elle aurait des lettres à traduire, c'est-à-dire que M. Vulfran la prendrait près de lui tant que Bendite serait malade. 5 ou 6 fois, en voyant paraître Guillaume, qui, lorsqu'il ne remplissait pas les fonctions de cocher, était attaché au service personnel de M. Vulfran, elle avait cru qu'il venait la chercher. Mais toujours, il avait passé sans lui adresser la parole, pressé, affairé, sortant dans la cour, rentrant. À un certain moment, il revint, ramenant 3 ouvriers, qu'il conduisit dans le bureau de M. Vulfran, où Talouel les suivit. Et un temps assez long s'écoula, coupé quelquefois par des éclats de voix qui lui arrivaient quand la porte du vestibule s'ouvrait. Évidemment, M. Vulfran avait autre chose à faire que de s'occuper d'elle et même de se souvenir qu'elle était là. À la fin, les ouvriers reparurent accompagnés de Talouel. Quand ils étaient passés la première fois, ils avaient la démarche résolue de gens qui vont de l'avant et sont décidés. Maintenant, ils avaient des attitudes mécontentes, embarrassées, hésitantes. Au moment où ils allaient sortir, Talouel les retint d'un geste de main. « Le patron vous a-t-il dit autre chose que ce que je vous avais déjà dit moi-même ? Non, n'est-ce pas ? Seulement il vous l'a dit moins doucement que moi, et il a eu raison. »« Raison ? Ah, malheur ! Vous ne direz point ça ? Si, je le dirai, parce que c'est la vérité. Moi, je suis toujours pour la vérité et la justice. Placé entre le patron et vous, je ne suis pas plus de son côté que du vôtre. Je suis du mien qui est le milieu. » Quand vous avez raison, je le reconnais. Quand vous avez tort, je vous le dis. Et aujourd'hui, vous avez tort. Ça ne tient pas debout, vos réclamations. On vous pousse et vous ne voyez pas où l'on vous mène. Vous dites que le patron vous exploite, mais ceux qui se servent de vous vous exploitent encore bien mieux. Au moins, le patron vous fait vivre. Eux vous feront crever de faim, vous, vos femmes, vos enfants. Maintenant, il en sera ce que vous voudrez. C'est votre affaire bien plus que la mienne. Moi, je m'en tirerai avec de nouvelles machines qui marcheront avant 8 jours et feront votre ouvrage mieux que vous, plus vite, plus économiquement, et sans qu'on ait à perdre son temps à discuter avec elles. Ce qui est quelque chose, n'est-ce pas ? Quand vous aurez bien tiré la langue et que vous reviendrez en couchant les pouces, votre place sera prise, on n'aura plus besoin de vous. L'argent que j'aurai dépensé pour mes nouvelles machines, je le rattraperai bien vite. Voilà, assez causé. Mais, monsieur Talwell, si vous n'avez pas compris, c'est bête. Je ne vais pas perdre mon temps à vous écouter. » Ainsi congédiés, les trois ouvriers s'en allèrent la tête basse, et Perrine reprit son attente jusqu'à ce que Guillaume vînt la chercher pour l'introduire dans un vaste bureau où elle trouva M. Vulfranc assis devant une grande table couverte de dossiers qu'appuyaient des presse-papiers marqués d'une lettre en relief pour que la main les reconnût à défaut des yeux et dont l'un des bouts était occupé par des appareils électriques et téléphoniques. Sans l'annoncer, Guillaume avait refermé la porte derrière elle. Après un moment d'attente, elle crut qu'elle devait avertir M. Vulfranc de sa présence. « C'est moi, Aurélie, » dit-elle. « J'ai reconnu ton pas. Approche et écoute-moi. Ce que tu m'as raconté de tes malheurs et aussi l'énergie que tu as montrée m'ont intéressé à ton sort. D'autre part, dans ton rôle d'interprète avec les monteurs, dans les traductions que je t'ai fait faire, enfin dans nos entretiens, j'ai rencontré en toi une intelligence qui m'a plu. Depuis que la maladie m'a rendu aveugle, j'ai besoin de quelqu'un qui voit pour moi et qui sache regarder ce que je lui indique aussi bien que m'expliquer ce qui le frappe. J'avais espéré trouver cela dans Guillaume, qui, lui, est aussi intelligent. Mais par malheur, la boisson l'a si bien aboli qu'il n'est plus bon qu'à faire un cocher, et encore à condition d'être indulgent. Peux-tu remplir auprès de moi la place que Guillaume n'a pas su prendre ? Pour commencer, tu auras 90 francs par mois et des gratifications si, comme je l'espère, je suis content de toi. » Suffoquée par la joie, Perrine resta sans répondre. « Tu ne dis rien ? Je cherche des mots pour vous remercier, mais je suis si émue, si troublée que je n'en trouve pas. Ne croyez pas que... » Il l'interrompit. « Je crois que tu es émue, en effet. Ta voix me le dit, et j'en suis bien aise. C'est une promesse que tu feras ce que tu pourras pour me satisfaire. Maintenant, autre chose. As-tu écrit à tes parents ? Non, monsieur, je n'ai pas pu, je n'ai pas de papier. Bon, bon, tu vas pouvoir le faire. » Et tu trouveras dans le bureau de M. Bendit, que tu occuperas en attendant sa guérison, tout ce qui te sera nécessaire. En écrivant, tu devras dire à tes parents la position que tu occupes dans ma maison. S'ils ont mieux à t'offrir, ils te feront venir, sinon ils te laisseront ici. Certainement, je resterai ici. Je le pense, et je crois que c'est le meilleur pour toi maintenant. Comme tu vas vivre dans les bureaux, où tu seras en relation avec les employés à qui tu porteras mes ordres, comme d'autre part tu sortiras avec moi, tu ne peux pas garder tes vêtements d'ouvrière, qui, m'a dit Benoît, sont fatigués. Des guenilles, mais je vous assure, monsieur, que ce n'est ni par paresse, ni par incurie, hélas. Ne te défends pas. Mais enfin, comme cela doit changer, tu vas aller à la caisse où l'on te remplira une fiche pour que tu prennes, chez Madame Lachaise, ce qu'il te faut en vêtements, linge de corps, chapeau, chaussures. Perrine écoutait, comme si, au lieu d'un vieillard aveugle à la figure grave, c'était une belle fée qui parlait, la baguette au-dessus d'elle. M. Vulfranc la rappela à la réalité. « Tu es libre de choisir ce que tu voudras, mais n'oublie pas que ce choix me fixera sur ton caractère. Occupe-toi de cela. Pour aujourd'hui, je n'aurai pas besoin de toi. À demain !»